qui ne se plaint jamais n'a aucune chance de pousser. Mon classe, demi-portion, veuillez nous excuser. D'accord ? Ceux qui voulaient me tuer dans l'œuf, je les ai envoyés le faire cuire. J'ai pas bougé quand on m'a enculé, je voulais pas les faire jouir. Ça touche quand c'est un proche qui joue les teutrés. Trahison c'est comme brûlure, y'a le premier et le second degré. Je me méfie des haineux, des corbeaux et des profiteurs qui au moment où je te parle creusent ma tombe au marteau piqueur. J'ajoute que tous ces bookmakers méritent des cocards, je ne suis qu'un tocard chez leur bookmaker. De ma peau ils ne donnent pas cher, mais qui ne s'inquiète pas, j'ai un tas d'ennemis pour relever l'enchère. Si je suis un peu pourri, eux le sont entièrement. Ça m'étonne pas qu'ils pètent le champ le jour de mon enterrement. Je peux pas les kiffer, tu veux que je les aime bussif. Tellement qu'ils parlent sur moi, j'ai les oreilles qui sifflent. Vu que tu connais la chanson, je te fais pas le dessin. On vit avec l'amour des autres et la haine des uns. Sur nos gardes, car il aura toujours un truc à dire. Sur nos gardes, crève l'ennemi, sera heureux te voir partir. Sur nos gardes, attention quand vous tomberez tout de suite. Sur nos gardes, c'est le Marocain et le bon Tunsi. Sur nos gardes, si on se méfie autant. Sur nos gardes, c'est qu'on nous a fait du tort. Sur nos gardes, un chien mordu par un serpent. Sur nos gardes, a peur de tout, craint même une corde. Mon classe, dealer difficile, s'en sortir quand on a la petite Bernard Tapie. Le caractère de Cantona, ça rentre pas mal, mais les ennemis m'ont jeté l'aïn. Bon, j'y suis tout ça, me salit pas les habits de l'aïd. Tu sais, la jalousie démarque chez les profiteurs. J'ai qu'une place dans ma Clio, j'ai pas les clés d'un gros pick-up. Big up à toi, mais ne te range pas trop les angles. Viens me parler si t'as un truc, mais ne calcule pas trop les autres. Les hommes, des corbeaux qui ne font qu'admirer la chair. Et même si on se cachait en scred, ils nous pisteraient au laser. Ça sert à quoi? J'ai trop de rimes à faire tourner. Je veux pas t'arriver à la cheville, t'es encore loin de mes ourlets. Scout, mais d'ici, ne me fais pas semblant d'agir. Je veux qu'on mélange nos traditions, mais je veux pas de pâte dans mon tagine. Zid, t'inquiète, ça sera sans rancune aussi. Sur nos cartes, c'est certain, là où l'envieux se fera zouine. Sur nos gardes, si on se méfie autant. Sur nos gardes, c'est qu'on nous a fait du tort. Sur nos gardes, un chien mordu par un serpent. Sur nos gardes, a peur de tout, craint même une corde. Sur nos gardes, car ils auront toujours un truc à dire. Sur nos gardes, crève l'ennemi, sera heureux de te voir partir. Sur nos gardes, attention quand vous tomberez tout de suite. Sur nos gardes, depuis qu'on les a pris pour cible. Ouais, Secret Connexion, les grandes gueules. Chut, le poids des mots. Je n'ai pas choisi d'être ici, ni d'y grandir d'ailleurs. Si aujourd'hui on écrit des rimes d'artisans et travailleurs, c'est qu'on s'en fout des ricaneurs gentils. Selon l'estime, on enverra du sang des pierres comme on le fait en Palestine. Écoute, arrête, rien ne sert de parler speed. Encore trop de fils de pute qu'on le peine auprès des skins. Écoute, je vais essayer de te parler vite de mon domaine. En bref, ce n'est pas ce rap qui fera le sourire de ma mère, je doute. Mais l'écriture, elle m'aide juste à me libérer. Vu que la route elle est trop longue, qu'on n'ose même plus accélérer. Je freine, jalouse, fais attention, on fait du son. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne. Sur nos gardes, si on se méfie autant. Sur nos gardes, c'est qu'on nous a fait du tort. Sur nos gardes, un chien mordu par un serpent. Sur nos gardes, a peur de tout, craint même une corde. Sur nos gardes, car ils auront toujours un truc à dire. Sur nos gardes, crève l'ennemi, sera heureux de te voir partir. Sur nos gardes, attention quand vous tomberez tout de suite. Sur nos gardes, depuis qu'on les a pris pour cible. J'espère que vous n'êtes pas trop défiguré. Quelle belle collection de cicatrices cela vous fait. N'oubliez pas à qui vous devez les plus remarquables et soyez-en reconnaissants. Nos cicatrices ont le mérite de nous rappeler que le passé n'a pas été un rêve.